Alors bonsoir, donc cet ANSSI parallèle est consacré donc, à travailler en bibliothèque quand on n'est pas scientifique. De sciences. En bibliothèque de sciences, merci. Quand on n'est pas scientifique, donc on tient d'abord à préciser qu'on va surtout parler des bibliothèques d'État et un peu moins des bibliothèques territoriales, puisque c'est, il n'y a pas de bibliothèque spéciale dédiée aux sciences en territorial, ne serait-ce que pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des fonds en territorial et les généralités aussi qu'on va donner peuvent intéresser les bibliothèques territoriales. Donc, tout d'abord, la part des postes des conservateurs d'État qui travaillent dans une bibliothèque de sciences ou de santé est d'environ 25%. Donc, un quart des postes. Les conservateurs d'État peuvent être affectés dans les bibliothèques suivantes. Donc, il y a deux gros ministères, celui de l'Éducation nationale, donc avec surtout les bibliothèques universitaires, mais aussi Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, le Musée de l'Homme, les écoles normales, supérieures, pardon, l'Institut de France. Pour le ministère de la Culture, c'est davantage, ça se concentre sur deux établissements, le département sciences de la BNF et le département sciences de la BPI. Donc on n'a pas de statistiques équivalentes pour les territoriaux, mais on sait qu'il y a des efforts de vulgarisation scientifique dans les bibliothèques municipales. Et selon une statistique, seulement 7% des titres en 1993 étaient des titres consacrés à la science. Selon une statistique aussi de 1993, seulement 8% des professionnels de bibliothèque ont un bac scientifique et ou une formation universitaire en sciences. Donc c'est une spécialité qui est assez recherchée, mais très rare. Donc les disciplines couvertes sont, donc il y a un large panel, on va distinguer les principales. Astronomie, physique, chimie, mathématiques, informatique. Les sciences de la vie, avec donc par exemple la biologie, biologie moléculaire, botanique, zoologie, paléontologie, les sciences de l'ingénieur, le génie civil, les ponts et chaussées, télécommunications, l'aéronautique, les sciences de la terre, la géologie, cartographie, météorologie, agronomie, l'histoire des sciences, qui occupe aussi une grande part, et donc on va pas traiter tout à fait sur un même plan ce soir les sciences médicales et les sciences de santé qui souvent en bibliothèque universitaire sont dissociées des bibliothèques de sciences. En revanche, pour la BNF et la BPI, les disciplines de santé sont incluses au département sciences. Donc on va se présenter en indiquant quel est un petit peu pourquoi on s'est emparé de ce sujet, quelle autorité on a pour parler des bibliothèques scientifiques. C'est qu'on a tous une petite expérience en bibliothèque scientifique. Donc moi personnellement, j'étais chargée de collection à la BNF au département sciences et techniques, et j'étais donc chargée des collections d'agronomie, de médecine vétérinaire et un petit peu d'environnement. Et j'ai occupé ce poste pendant un peu moins d'un an. Moi, je ne sais pas si j'ai autorité à parler de quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai fait un stage de 3 mois à l'ENS Lyon, donc pas très loin d'ici, à Gerland, dans le 7e arrondissement, mon stage d'études. Ben, pareil, j'ai fait mon stage d'études juste à côté, à la BU Sciences de Lyon 1, et ce qui m'a poussé un peu à proposer ce sujet, c'est le constat que pour beaucoup de conservateurs, arriver en bibliothèque de sciences, c'est une sorte de déchéance, une sorte d'exil ovidien. On se sent pas bien. On attend qu'une chose, c'est d'avoir une mutation vers les lettres et sciences humaines. Et donc l'idée, c'était de voir ce qu'on peut quand même faire en bibliothèque de sciences quand on n'est pas du tout scientifique de formation. Et je ne suis pas scientifique. Voilà. Quant à moi, ça marche ? J'ai fait mon stage au CADIST des sciences de la Terre, des océans et de l'environnement, qui est situé à la Bibliothèque interuniversitaire scientifique de Jussieu. Donc même si j'ai plusieurs vues sur la Bibliothèque interuniversitaire, je parlerai essentiellement de mon expérience dans le CADIST. Donc on aura une intervention qui sera un petit peu structurée, hein. On a essayé de faire un plan, vaguement. Donc ça se passera en 2 points. D'abord, on vous parlera des problématiques qui sont spécifiques aux bibliothèques de sciences. Donc d'abord, Aluka et Aline vous parleront d'un paysage documentaire qui est éclaté. Ensuite, nous vous parlerons de la place prédominante que tiennent les ressources électroniques dans les BU de sciences. Enfin, on fera un petit point sur les besoins et les pratiques à la fois des étudiants et des chercheurs en sciences. Puis le deuxième point constituera les problématiques non spécifiques aux bibliothèques de sciences. Donc là, on parlera principalement d'acquisition. Donc quelles compétences disciplinaires faut-il pour faire des acquisitions en sciences? Est-ce qu'on peut avoir un fonctionnement autonome du bibliothécaire, c'est-à-dire sans véritable compétence spécifique? Et puis on verra le système qui est en place en fait à l'ENS Lyon, où là il y a un système de correspondant qui est mis en place. Donc c'est les anciens chercheurs ont une part directe dans les acquisitions. Et puis on vous parlera aussi dans un deuxième point de l'équilibre fragile des budgets. Donc on verra, Aline nous parlera des cadistes par exemple, et du clivage qu'il peut avoir entre l'enseignement et la recherche dans les acquisitions et dans les budgets. Donc, pour commencer, on va aborder les problématiques qui nous semblent spécifiques aux bibliothèques de sciences. Tout d'abord, ce qui nous a frappé, Raluca et moi, c'est de voir que les bibliothèques de sciences sont souvent divisées, notamment en niveaux. Donc, il y a une distinction entre enseignement et recherche. Christophe l'a vu aussi à l'ENS, et par discipline. Donc, en ce qui concerne la bibliothèque interuniversitaire de Jussieu, c'est marqué. Si tu peux cliquer, Sarah. Sur... Mais en fait, parce que là, vous voyez derrière nous le plan du campus de Jussieu. Donc, en fait, tous les petits points rouges représentent des bibliothèques. Donc, il y en a donc 14 sur le site, enfin 13 sur le site, une qui est dans le 13e arrondissement. Et donc en fait, en ce qui concerne Jussieu, cependant, ce n'était pas une volonté délibérée lors de la construction du campus, mais ça a été imposé par les faits, puisque à l'origine, quand Jussieu a été construit, on n'avait pas prévu de place pour les bibliothèques. Et donc, c'est les labos qui ont commencé à construire leur collection, ce qui explique aussi la place des labos, en fait, dans l'organisation des sciences à Jussieu, puisque c'est une vieille tradition. Les bibliothèques, en fait... se sont construites au fur et à mesure dans les endroits qui restaient, essentiellement sous la dalle de Jussieu, c'est-à-dire bien à l'abri de la lumière naturelle. Et donc, c'était des conditions absolument pas pratiques. Je ne parle même pas de l'amiante. Et donc, actuellement, il y a une bibliothèque pluridisciplinaire qui couvre les L1 et L2, 5 bibliothèques d'enseignement pour les étudiants à partir du L2, et enfin, 7 bibliothèques de recherche accessibles à partir du M2. Cette division sur le campus pose des problèmes de visibilité de l'ensemble de la bibliothèque, puisqu'il faut souvent expliquer à un lecteur que non, il n'est pas dans la bonne bibliothèque, et que s'il s'intéresse à la chimie, par exemple, il faut qu'il aille à l'autre bout du campus. Mais c'est aussi ce qui entraîne en fait des problèmes pour les études transversales, et ce qui explique en fait le développement de nouveaux projets pour la bibliothèque. Tout d'abord, en même temps qu'il y a le projet de désamiantage, le campus vise à réorganiser tous ces bâtiments. Et a notamment les projets de réorganiser et de rapprocher différentes bibliothèques par thème. Donc, les bibliothèques de chimie et de physique recherche devraient se rassembler avec la biologie recherche dans un coin du campus pour faire un pôle bibliothèque des sciences humaines. Et en ce qui concerne le cadiste, il doit avoir... parce que le cadiste, en fait, est constitué du numéro 9 en bas à... droite, et du numéro 10, la cartothèque. Donc, voilà. Donc, c'est quand même un peu à l'autre bout, et il faut généralement accompagner les lecteurs pour pas qu'ils se perdent dans les méandres de Jussieu. Et donc, ils doivent, en fait, avoir un bâtiment construit a priori pour 2008, pardon. Je dis 2006, en fait, parce que c'était la date prévue des travaux. Donc, pour l'instant, il y a toujours les plans, on n'a encore rien construit. Et donc, en fait, ça serait sur le bâtiment Cuvier, donc, que vous voyez en bas. Donc, cependant, la division en section par niveau en L et puis d'un côté et en MD de l'autre ne semblent pas poser problème à Jussieu puisque ce sont en fait des publics extrêmement différents, notamment pour les ouvrages qui leur sont destinés, avec des ouvrages essentiellement en français pour les L et essentiellement plutôt en langues étrangères et l'anglais. Enfin, je l'ai surtout vu au cadiste pour les M et les D. Cependant, cette situation aussi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, explique le rôle très fort des labos et le problème pour attirer les chercheurs, en fait, peut-être plus encore que dans les sciences humaines, sur dans le monde de la bibliothèque physique. Et donc, ce qui nécessite aussi pour les professionnels des bibliothèques d'essayer de trouver des moyens de les attirer. Donc, à la bibliothèque du cadiste, c'est quelque chose de très simple, en fait, c'est de présenter les nouveautés. Parce que, donc, que ça soit physiquement, donc sur des présentoirs, ou électroniquement, donc avec une petite lettre d'information, etc. Et enfin, j'ai pu constater que c'était un succès, notamment pour les nouveautés. Enfin, je suppose que vous faites pareil à l'ENSIM, si vous regardez les nouveautés, vous les regardez certainement en passant. Et au cadiste, c'était très clair que la plupart des gens s'arrêtaient et regardaient pour emprunter. Voilà. Bon, ben, si à Jussieu, c'est une contrainte historique, dans d'autres cas, c'est vraiment un choix réfléchi, celui de partager les niveaux. Et par exemple, à Lyon 1, la bibliothèque qui est, c'est une seule bibliothèque qui regroupe quasiment toutes les disciplines, mais comme elle est sur les niveaux, on voit que, voilà, le premier étage, ce sont les étudiants, le deuxième étage, ce sont les chercheurs, et en principe, on se mélange pas. Mais ça pose quand même un problème parce que ce partage est somme toute assez aléatoire. Si tu peux juste dérouler. Parce qu'en fait, à chaque fois, on refait le même classement, les mêmes sciences. S'il y a de la redondance, on se demande où est-ce qu'on va placer la limite. Étudiant CL ou étudiant CM, et c'est quoi le critère? Parce que les bibliothécaires, souvent, ne se rendent pas compte du niveau. Donc, le critère choisi, c'est la langue. Si c'est en anglais, c'est pas pour les étudiants, etc. Donc, du coup, Lyon 1 avec un projet de mélanger un peu, de refaire les espaces et donc de proposer côte à côte niveau recherche et niveau étudiant. Et c'était un peu le but de mon stage. Mais ce qui m'a tout de suite étonnée, c'était de voir l'opposition de tout le monde, en fait. Les étudiants trouvent ça bizarre. Ah bon, pourquoi se mélanger? Les enseignants chercheurs peut-être encore plus. Dans les bibliothèques de sciences, on est vraiment dans une logique. On se mélange pas. Le partage par niveau, c'est très bien. Et c'est vrai qu'en lettres et sciences humaines, on rencontre pas du tout cette problématique. Et c'est assez discutable. Mais le cas encore plus discutable, c'est le partage par discipline qu'a évoqué Aline et qui est présent aussi dans des établissements comme l'ENS de Paris où il y a une bibliothèque par discipline et un peu partout pour les maths parce que quasiment dans toutes les grandes universités, les maths ont leur bibliothèque à part, ce qui pose un énorme problème parce que les maths, c'est aussi la discipline support par excellence. Donc tout le monde a besoin des maths, mais tout le monde peut pas aller forcément dans la bibliothèque de maths. Et alors que le LMD est censé avoir multiplié les passerelles entre les disciplines et développé tout ce qui est interdisciplinarité, ça pose un énorme problème et c'est là qu'il y a vraiment du boulot à faire, notamment pour les bibliothécaires, les conservateurs, pour essayer de rechanger un peu ça. Et même dans une bibliothèque qui regroupe toutes les sciences, toutes les disciplines scientifiques, il faut voir que l'interdisciplinarité, qui est encore plus importante en sciences qu'en lettres et sciences humaines, parce qu'elle est vraiment au cœur de quasiment tous les enseignements, donc il n'y a quasiment pas de place pour l'interdisciplinarité, parce que la pensée bibliothéconomique l'évacue tout de suite en disant non, il faut faire un choix, il faut classer d'après la D-Way, il faut que ce soit linéaire, il faut surtout pas mélanger. Or, quand on regarde certaines disciplines, comme le traitement du signal, vous le classez où? Entre l'informatique, les maths, la physique, les sciences pour l'ingénieur. Donc, en fait, ce qu'il faudrait et ce qui est à faire dans les années à venir, c'est de repenser complètement les espaces documentaires en prenant en compte cette donnée spécifique aux sciences. Sans l'interdisciplinarité, Une bibliothèque physique très bien rangée ne sert pas à grand chose. Bon, après, on peut dire, l'interdisciplinarité, on peut la faire au niveau virtuel, via le catalogue, on fait des liens, on renvoie, mais c'est vrai que ça restreint quand même les possibilités. Et donc, ça, à propos de l'interdisciplinarité virtuelle, ça nous amène au point suivant, qui est vraiment très important dans les bibliothèques de sciences. Dès que vous arrivez, vous vous rendez compte du poids les ressources électroniques. Et pour un littéraire, c'est vrai que la situation est complètement inédite, parce qu'il y a une offre très large, qui balaye un peu tout, mais en même temps, les coûts sont très importants. Donc, du coup, il faut faire des choix. Et il y a des universités qui choisissent le tout électronique. Par exemple, Strasbourg 1 s'est désabonné de tout ce qui était abonnement papier et est passé à ce qu'on appelle e-only. Voilà. Donc, mais on n'a pas encore d'évaluation de cette expérience. Mais c'est vrai que, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va nous tomber dessus très vite, parce que, voilà, les budgets ne permettent pas d'avoir et du papier et de l'électronique. Et donc, du coup, que doivent faire les CD? Et là aussi, c'est une problématique vraiment spécifique aux sciences. Ben, ils doivent aller démarcher toutes les instances de l'université pour trouver des subventions. Donc, c'est vraiment une logique qui n'est pas du tout partagée par tout le monde, mais il faut vraiment aller dans les labos et demander des sous. Il faut aller dans le CS, le CVU, et il faut aller démarcher, en fait. Parce que sinon, ça n'est pas possible. Il faut que le directeur du SCD soit très impliqué, par exemple, dans les équipes résidentielles des universités. Sinon, il ne reçoit pas d'argent. Mais quand vous allez demander de l'argent aux chercheurs, donc aux labos, ça ne va pas de soi, parce que les chercheurs vont vous dire « Oui, mais nous, on a déjà tout via le CNRS. » Parce qu'ils ont tous un accès aussi CNRS, et le CNRS offre lui aussi beaucoup de ressources électroniques. Et là, c'est le vrai problème en ce moment, parce que avec la structure duale de la recherche en France, le CNRS a son propre marché pour les ressources électroniques, et il y a Couperin de l'autre côté pour l'enseignement supérieur, et il n'y a aucune communication entre les deux. Or, les enseignants vont vous dire, ben non, renoncez à vos abonnements et gardons que ce qu'a le CNRS. Et donc là, il faut bien leur expliquer que les fournisseurs sont pas dupes et qu'au moment où ça se produirait, ils feraient un coût global et que ça reviendrait au même. Donc, c'est ça, d'après moi, c'est un vrai problème aujourd'hui. Mais un autre problème qui est vraiment lié aux bibliothèques de sciences, c'est l'utilisation des ressources électroniques dans un but industriel. Et là, on découvre vraiment un monde qu'on ignorait complètement quand on est littéraire. Voilà, parce que en fait, les contrats des fournisseurs stipulent que les ressources électroniques sont à utiliser uniquement dans un but académique, strictement académique, donc par toute la communauté universitaire. Mais dans les faits, il donne aussi le droit à des usagers qu'on appelle working users, donc qui sont externes à l'université, mais qui sont quand même inscrits à la bibliothèque, d'avoir accès à ces ressources. Et c'est normal, on peut pas leur donner qu'une partie de l'accès à la bibliothèque. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens qui travaillent dans des boîtes en industrie chimique ou pharmaceutique s'inscrivent à la bibliothèque et ensuite téléchargent des données, des masses énormes de documents, des bases en ligne et se constituent leur propre base. Donc du coup, c'est ce qui est arrivé à Lyon 1, les fournisseurs menacent de couper complètement l'accès aux bases. Et là, c'est un vrai problème, c'est un vrai débat. Que doit faire la bibliothèque? Elle doit dire non, nous, c'est l'accès pour tout le monde, on s'en fout qu'il y a telle boîte d'industrie pharmaceutique ou cosmétique qui fait ça. Et donc, parce que c'est en un sens, c'est normal de donner accès à tout le monde à la même chose. Mais de l'autre côté, est-ce normal, et c'est une vraie question aujourd'hui, est-ce normal que les bibliothèques offrent presque gratuitement à des boîtes une documentation qu'ils auraient pu se payer, mais qui aurait représenté vraiment énormément en termes de budget? Et je pense que là, on réfléchit pas assez, en tout cas, on n'évoque pas du tout ce problème quand on parle de l'avenir de la révolution numérique, par exemple. Ça, c'est un vrai enjeu à évoquer pour ce qui est le numérique. Et un autre point, c'est que on pense qu'avec le développement des archives ouvertes, finalement, la question des ressources électroniques va disparaître parce que tout va être en accès libre. Et on se rend compte, en fait, que les archives ouvertes sont pas une vraie alternative, en tout cas pas une alternative viable. Parce que malgré ce qu'on dit, les chercheurs, même dans les disciplines vraiment de pointe du type génétique, biométrie ou bioinformatique, n'ont pas besoin uniquement d'une information scientifique très récente, très fraîche, donc disons des 5 dernières années, ce qu'on peut avoir dans la plupart des ressources électroniques et via les archives ouvertes, mais ont besoin d'une épaisseur historique très importante, des archives, par exemple d'une base comme JSTOR, qui vous propose les archives de revues dès le début du 20e siècle. Or, là, j'ai l'impression que la pensée bibliothéconomique ne souhaite pas prendre ce choix et ce besoin des chercheurs en compte. Parce que quand vous dites ça à des gens de Couperin, ils vont vous dire que c'est une hérésie, que ça peut pas exister, parce que d'après eux, le chercheur en science a besoin que d'une information très fraîche. Et donc, voilà, ça aussi, je trouve que c'est à débattre et c'est vraiment... encore une fois, un choix à faire par rapport au numérique. Voilà. Et du coup, les ressources électroniques amènent l'autre point important, c'est est-ce qu'il y a vraiment des pratiques, des besoins documentaires spécifiques en sciences ? Ce qu'on dit souvent en ce qui concerne les étudiants, qu'ils ont une vision très consumériste de la bibliothèque, qu'ils ont besoin juste de place pour travailler, en fait, et de rien d'autre, pas de la documentation. Et quand vous faites un peu des enquêtes, vous vous rendez compte que c'est pas du tout vrai, que c'est les mêmes pratiques à peu près qu'en lettres et sciences humaines, on consulte beaucoup de manuels, c'est vraiment la prescription. Par contre, là où il y a quand même quelque chose de différent, c'est que les étudiants en sciences travaillent beaucoup en groupe ou en binôme. Par exemple, l'équivalent de mémoire de maîtrise en maths se fait en binôme. Ça marche, non ? Est-ce que c'est pas pour ça, justement, que ça peut être intéressant de mettre un étage pour les premières années et un étage pour les chercheurs ? Parce que, enfin, je sais pas, dans d'autres bibliothèques, ils font ça. À Bordeaux, en lettres et sciences humaines, ils font ça. Il y a un étage premier cycle, un étage agrégatif et chercheur. Et on sait très bien et pertinemment que c'est en fait parce que il y a du bruit à l'étage des étudiants parce qu'ils travaillent en groupe, surtout en histoire, géographie, tout ça. Alors qu'à l'étage, les gens sont complètement dans les concours ou dans leur thèse et ils travaillent tout seuls et il y a besoin de calme, etc. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui se retrouve en sciences ? Enfin, est-ce que les bibliothécaires, ils expliquent comme ça aussi de... Non, pas vraiment, parce qu'en fait, si tu vas dans la salle chercheur à Lyon, il n'y a personne. Donc, c'est ça le problème. Donc, non, le partage est vraiment, c'est un choix idéologique, voilà, ils n'ont pas besoin des mêmes documents, et rien n'est fait quand même dans la plupart des bibliothèques scientifiques pour que les étudiants aient des espaces vraiment dédiés au travail en groupe. Ça commence à venir, et c'est vrai qu'on sera souvent, on sera un jour ou l'autre amené à mener un projet de réhabilitation ou de construction, et là, il faut penser tout de suite à ça, au CAREL, aux salles de travail en groupe, au fait que voilà, le travail par binôme, c'est en maths en tout cas, c'est presque l'équivalent du travail individuel en lettres, donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Et voilà, et toujours pour les étudiants, à la différence des chercheurs dont on va parler Christophe, les étudiants n'utilisent quasiment pas les ressources électroniques. Donc moi je vais vous parler effectivement des besoins des chercheurs que j'ai pu observer à l'ENS Lyon. Donc c'est le truc qui est le plus frappant quand je suis arrivé dans l'établissement, c'est l'omniprésence de la recherche et la manière dont en fait l'enseignement était aussi très fortement coordonné avec la recherche. Effectivement, c'est une petite structure avec une sélection, donc une structure quand même d'élite, avec une proportion qui est très importante de chercheurs par rapport aux étudiants. C'est-à-dire qu'il y a 278 chercheurs à l'ENS, pour 860 étudiants, c'est-à-dire qu'il y a une proportion d'à peu près un chercheur, un anciennement chercheur pour 3 étudiants. Donc il n'y a pas de premier cycle, les étudiants arrivent en licence 3 directement, et 85% d'entre eux obtiennent un doctorat. 51% obtiennent à la fois un doctorat et l'agrégation. Donc ensuite, au niveau des débouchés professionnels, il y a énormément, bien sûr, d'enseignement. On a 21% qui sont dans l'enseignement en devenant professeur agrégé, 28% dans l'enseignement supérieur, 28% qui sont dans la recherche publique, donc là, effectivement, de la recherche pure, 18% qui font de la recherche dans des entreprises privées, et 5% qui prennent des voies de traverse. C'est pas vraiment où ils passent, mais... Voilà. Peut-être des bibliothécaires, mais j'en doute. Voilà. Donc c'est un tout petit campus, c'est effectivement très très concentré. Il y a énormément de labos qui sont concentrés sur un petit espace. Et les chercheurs donc, sont omniprésents dans la vie de l'établissement. Il y a un retour important sur leur pratique, même vis-à-vis des bibliothécaires. En fait, ils sont confrontés très très très très souvent aux chercheurs directement. Donc ça permet de bien mesurer quand même leurs besoins. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte qu'ils ont besoin d'avoir une information qui est validée, d'avoir accès rapidement à l'information, et en particulier à distance, et en permanence. C'est-à-dire qu'il faut que cette information soit là tout le temps pour eux, aussi bien dans leur labo, chez eux, que quand ils sont dans la bibliothèque. Et en fait, ils sont assez peu dans la bibliothèque. Donc on se rend vraiment compte de ce que tu disais, l'importance des ressources électroniques, de la bibliothèque virtuelle, puisque la plupart du temps, effectivement, ils travaillent directement depuis leur laboratoire sans se déplacer. Donc on voit bien aussi que ça a des effets psychologiques, c'est-à-dire le fait d'avoir recours à la bibliothèque, de se rendre à la bibliothèque, c'est vraiment se faire violence pour eux. C'est de plus en plus vécu comme une contrainte, alors qu'avant c'était quand même encore un passage obligé avant la documentation électronique, et ça remonte pas à si longtemps que ça finalement, c'est une dizaine d'années. Voilà. Donc on se rend compte que le pourcentage de chercheurs qui déclarent travailler en bibliothèque, il y a une enquête qui a été menée là-dessus, c'est à peu près 10%. Donc c'est effectivement très peu. Et ça tient en fait à des différences aussi disciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a certaines disciplines, comme par exemple les matheux ou alors les géologues, qui là vont consulter énormément la bibliothèque, et pour les matheux, travailler énormément la bibliothèque. C'est pratiquement eux qui représentent le public de la bibliothèque, aussi bien du côté des étudiants que des chercheurs, mais en particulier des chercheurs. Donc voilà. Mais malgré ça, malgré effectivement le poids de l'électronique, c'est aussi ce que tu disais, Raluca, on se rend compte qu'il y a encore un fort besoin du papier quand même. Il y a notamment ce que les chercheurs appellent les livres de paillasse. C'est les livres qu'ils utilisent constamment dans leur travail de tous les jours dans les labos. Des livres qu'ils ont besoin d'avoir sous les yeux en permanence. Donc c'est ce qu'ils utilisent par exemple énormément en biologie. Donc ça pose un problème pour la bibliothèque. C'est-à-dire que effectivement vous parlez à chaque fois de SCD, de centralisation de la documentation. Et en réalité on se rend compte qu'il y a de nombreuses niches où les documents sont encore conservés hors de la bibliothèque. Alors que souvent, ils ont été achetés ou financés par la bibliothèque. Donc là, il y a un rapport de force quand même, puisqu'à un moment, il faut parler quand même de rapport de force, entre les chercheurs qui veulent conserver pour eux ces ouvrages-là, et la bibliothèque qui cherche au contraire à centraliser la documentation. Donc là, il y a quand même une question que doit se poser la bibliothèque, c'est-à-dire d'un côté, elle se crispe effectivement sur ses prérogatives, elle dit « il faut centraliser la documentation », etc. Et là, elle court le risque que, effectivement, les chercheurs finalement... cherchent des accès à la documentation par d'autres moyens, par eux-mêmes, et contournent finalement le service qu'offre la bibliothèque. Donc il y a de nombreux cas en fait où la bibliothèque essayait de trouver des compromis avec les chercheurs pour permettre quand même aux chercheurs d'avoir accès à cette documentation tout en gardant la main dessus. Donc il y a par exemple pour les agrégatifs. Donc là, les agrégatifs à l'ENS ont d'énormes avantages. Et d'ailleurs, passer son agrégation enfin à l'ENS Lyon tout particulièrement, c'est une réputation dans la France entière. Hein. Un taux de réussite qui est exceptionnellement haut, etc. Donc ils ont une bibliothèque spécifique qui est constituée selon le programme de l'agrégation. Ils viennent piocher donc dans les livres de la bibliothèque. Et ils se constituent leur petite bibliothèque. Donc ils ont une salle qui est ouverte pour eux, où ils ont les clés. Ils ont accès 24 heures sur 24, jour et nuit, à cette salle. Ensuite, il y a les ouvrages qui sont conservés directement dans les labos. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé par la bibliothèque il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé de pointer l'ensemble des ouvrages qui étaient hors de la bibliothèque, qui n'ont jamais été rendus, etc. Donc parfois, ça constitue des chiffres assez importants. Il y en avait 300, par exemple, en physique. Et ils ont essayé de trouver des solutions de compromis, puisque effectivement, les chercheurs ne voulaient pas rendre ces livres qu'ils considéraient comme étant acquis. Donc il y a une solution qui s'appelle le prêt longue durée, qui a été mise en place. Donc déjà, les chercheurs ont droit à un prêt qui est plus long que les étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à un mois de prêt pour leurs documents. Mais là, le prêt longue durée, c'est un prêt qui s'étend sur 6 mois et qui est renouvelable. Donc effectivement, en clair, c'est le livre revient quasiment au laboratoire. Donc. J'ai juste un peu de mal à comprendre les réticences de la bibliothèque à prêter comme ça ces ouvrages, quelle que soit la durée d'ailleurs, pour laquelle les chercheurs auraient besoin. Si c'est des livres comme ça de paillasse, c'est des livres d'appoint dont ils ont besoin quotidiennement, ça correspond ni plus ni moins à un service à distance en fait. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait en ligne, on ne ferait pas de façon plus physique avec des ouvrages? On fait bien les fonds tournants aussi ailleurs, donc c'est vraiment inscrit pour... Non, effectivement, c'est un service que rend la bibliothèque. Après, le souci, c'est qu'effectivement, ces livres ne sont plus disponibles, par exemple, pour les étudiants ou les autres chercheurs. Puisqu'en fait, un chercheur qui a un livre en prêt longue durée, en fait, l'accapare pour lui-même. Il n'est même pas disponible, en fait, pour les autres gens de son labo, la plupart du temps. Donc, effectivement, ça oblige à des rachats d'ouvrages, etc. Donc, c'est ça le seul souci, finalement. Voilà. Mais ça, c'est la problématique des bibliothèques du FR, quel que soit le domaine, les enseignants se servent des livres comme si c'était leur propre bibliothèque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fréquent. Le problème, tu dis, on peut pas en acheter davantage. Sur le coup, peut-être que le budget ne le permet pas, parce que quand même, surtout en sciences, les livres sont chers, y compris... Surtout des livres de recherche, là. Oui. Voilà. Et d'un côté, de l'autre côté, au moment où vous vous rendez compte que tel enseignant, après avoir été muté à Paris... est parti avec 10 ouvrages, vous voulez les racheter, parfois vous ne les trouvez plus. Donc, c'est aussi ça un problème. On peut pas non plus multiplier les exemplaires jusqu'à en avoir 6 de chaque ouvrage. On peut faire ça pour les manuels de base, mais ce n'est pas cela qui intéresse vraiment les chercheurs. Voilà. Et enfin, il y a le dernier point, c'est ce qu'ils appellent le scénario 2. Alors là, le scénario 2, c'est quand les laboratoires achètent des livres sur leur propre crédit, la bibliothèque tient à ce qu'ils soient quand même signalés dans le catalogue de la bibliothèque. Donc effectivement, ils recensent et ils cataloguent l'ensemble des livres qui sont achetés même par les labos pour les signaler. Donc effectivement, même si ceux-là, ils sont signalés en fait en dépôt labo dans le catalogue, ils sont pas disponibles, mais on sait quand même qu'ils font partie du fonds documentaire, effectivement, puisque c'est une des missions des bibliothèques de signaler l'ensemble des ressources. Voilà. Alors finalement, le développement des ressources électroniques dont tu parlais, Raluca, ça a eu des effets aussi sur quand même la manière dont le personnel des bibliothèques est ressenti, ressent sa situation vis-à-vis des chercheurs. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être conçus, que la bibliothèque est conçue par les chercheurs comme un point d'accès, comme un simple gestionnaire des périodiques électroniques qui se retrouve à gérer des problèmes financiers, d'abonnement, etc., et que ça revient finalement pour les chercheurs externaliser la gestion d'un problème qu'ils auraient. Et donc ils sont très très exigeants sur la qualité du service rendu, sur le maintien des accès, alors que justement le passage à l'abonnement au périodique électronique en bouquet a rendu cette maîtrise des fois très aléatoire. Il peut y avoir des rachats de bouquets, des titres qui disparaissent dans le catalogue, etc. Ça, c'est quand même assez difficile à gérer. Donc il y a une très forte exigence des chercheurs. Et ce qui est ressenti finalement comme une sorte de mépris par le personnel des bibliothèques, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être finalement simplement des gestionnaires financiers, d'offrir simplement un service qui en plus leur paraît virtuel, puisque si finalement une simple liste de liens sur le site de la bibliothèque, il y a un sentiment de dépossession en fait de leur prérogative, de leur mission, etc. Ça devient quelque chose d'assez virtuel, qui n'est plus concret. Voilà, donc voilà le blues du bibliothécaire en bibliothèque de sciences. Voilà. Oui, je voudrais revenir sur le point budget labo, budget bibliothèque de l'ENS par rapport au livre de Payas. Pourquoi ça ne serait pas pris sur les budgets labo? Il n'envisage pas? Enfin, j'imagine que si, ma question est certainement idiote, mais... En fait, c'est ce qu'ils font du coup pour les scénarios 2, c'est-à-dire quand ils veulent vraiment un livre et que la bibliothèque, effectivement, leur refuse, mais c'est rare, ils l'achètent sur leur propre crédit. Mais après, la bibliothèque de l'ENS, c'est un peu particulier, si tu veux. Déjà, ils ont une autonomie budgétaire qui est très limitée, c'est-à-dire que de fait, jusqu'à il y a 3 ans, ils n'avaient pas de budget autonome pour l'acquisition, c'était effectivement les budgets des labos. D'où quand même effectivement des exigences qui étaient, qui étaient légitimes pour les laboratoires. C'est-à-dire que voilà, la bibliothèque était censée être au service des labos. C'est ce que j'expliquerai après un peu plus loin aussi pour l'acquisition. C'est que finalement, on est dans un cas un peu particulier d'une bibliothèque qui est sous tutelle des laboratoires. Il n'y a pas d'autonomie, de charte documentaire. Enfin, ce serait impensable pour eux. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, à Lyon 1, les labos achètent une partie de leurs livres qui restent dans les labos. Ça, c'est une pratique assez fréquente. Et à propos du blues, pour enchaîner, eh ben, il faut voir aussi que les filières scientifiques ont aussi des problèmes de débouchés. Il n'y a pas que les lettres, il y a aussi les sciences, surtout certaines filières, comme la biologie. En tout cas, à Lyon 1, il y a 4000 étudiants, ce qui est un effectif impressionnant. Et ils ne pourront pas tous se caser dans l'enseignement ou dans la recherche, c'est sûr. Donc du coup, surtout avec la mise en place du LMD, les universités commencent à réfléchir à des filières un peu plus professionnalisantes, y compris en sciences et notamment en biologie, donc, pour former dès le niveau L des gens qu'ils appellent personnel d'interface. Donc, pas un scientifique pur, mais quelqu'un qui puisse faire le lien entre les scientifiques et les non-scientifiques, les béotiens de la société. Et la filière qui est en train d'être mise en place maintenant, c'est une filière environnement. Et environnement qui comprend pas uniquement les aspects sciences de la vie ou chimie, même un peu de physique, mais aussi tout ce qui est droit de l'environnement, sciences économiques autour de l'environnement, sciences sociales. Donc vraiment des parcours interdisciplinaires et surtout pas uniquement scientifiques, ce qui avant était plus ou moins impensable. Et donc, du coup, les bibliothèques de sciences doivent tenir le pas et répondre à ces nouvelles attentes. Et du coup, il faut mettre en place ce qu'on pourrait appeler des centres thématiques transversaux. Par exemple, un centre comme l'environnement qui regroupe un peu tout, y compris du droit, de la socio, de l'économie, tout ça. Or, bien sûr, ça ne va pas de soi, encore une fois, pour les bibliothécaires qui se sentent un peu... ils se disent, oh là là, mais où est-ce qu'on va aller, surtout en BU, on retourne vers les centres d'intérêt des BM, c'est une hérésie, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudra prendre ça en compte, cet aspect professionnalisation et nouvelles filières, y compris pour la recherche, qu'on va nous le montrer à Aline. Donc, en ce qui concerne le CADIS des sciences de la Terre, depuis une quinzaine d'années, en fait, on a remarqué que les domaines de recherche évoluaient. Et donc, les chercheurs se détournent de plus en plus de la géologie pure, comme la sédimentologie, la stratigraphie, etc., pour tout ce qui concerne les questions environnementales, comme le disait Raluca. Donc, tout ce qui est lien de l'homme avec son environnement, de l'interface entre la Terre, les océans, etc. Ce qui nécessite, en fait, une évolution de la politique documentaire du CADIS. Et, par exemple, en 1998, la bibliothèque a décidé de créer un nouveau plan de développement des collections, prenant en compte ces nouvelles pistes de recherche. Et on assiste aussi, parallèlement à ce nouveau plan de développement des collections, à une diversification du public, comme le disait aussi Raluca, puisque ce ne sont plus simplement des chercheurs de l'université qui viennent consulter les fonds ou qui demandent des fonds pour le PEB, mais c'est aussi des professionnels, par exemple des urbanistes, qui viennent étudier la stratigraphie urbaine de tel endroit, etc. On va parler maintenant dans une deuxième partie des problématiques qui ne sont pas spécifiques aux bibliothèques de sciences. Et le premier, donc, c'est la compétence disciplinaire. Mais c'est vrai que, vu qu'il y a très très peu de bibliothécaires qui ont une formation scientifique, c'est peut-être un des secteurs qui fait effectivement le plus peur aux conservateurs, aux bibliothécaires, etc. Donc comment aborder en fait la compétence disciplinaire? Ce que je vous propose, c'est effectivement dans une première partie le fonctionnement en autonome du bibliothécaire, c'est-à-dire comment acquérir seul en fait et avec des outils simples des connaissances, comment approfondir en fait la discipline. Donc la discipline est... on aura plus ou moins à l'approfondir selon qu'on sera, par exemple, chargé de collection ou acquéreur dans un domaine très précis, ou si on est, par exemple, chef de section de toutes les sciences, effectivement, on ne demandera pas le même niveau de spécialisation. Donc, je vous propose un plan en plusieurs étapes, de la plus simple et de la plus générale à la plus spécialisée et de dernier recours, on va dire. Donc tout d'abord, un outil simple pour se familiariser avec une discipline, c'est la charte documentaire de votre établissement. Alors je sais bien que toutes les bibliothèques n'ont pas de charte documentaire, mais quand même ça se généralise et la plupart du temps, c'est un outil assez précieux. Par exemple, je sais que moi pour la BNF, je savais en lisant la charte documentaire que pour le Haut-Jardin, je devais acheter des documents en langue française, prioritairement. On me demandait d'acheter des dictionnaires unilingues et bilingues, des classiques de la science, des encyclopédies générales, des ouvrages de synthèse, des répertoires, des annuaires, des documents préparatoires au concours du CAPES et de l'agrégation. Donc ça, c'est quand même des renseignements assez précis. Concours du CAPES et de l'agrég, vous prenez les programmes, vous achetez les livres, toute la bibliographie. Ça donne des indications vraiment très pratiques pour déjà se familiariser avec le fond et savoir quoi acheter et quoi acquérir. Pour le Red Jardin, les critères étaient différents. La prééminence de la langue anglaise, alors ça c'est moins un critère en fait qu'une conséquence de l'offre éditoriale, puisque dès qu'on atteint un niveau recherche, de toute façon la langue anglaise, quasiment tous publient en anglais. Un autre critère, l'essentiel des périodiques mondiaux nécessaires à la recherche. Donc tout ceci, pareil, c'était des documents qu'il est facile de trouver. Hein. Vous prenez le JCR, les documents, les titres de périodiques les plus qui ont le facteur d'impact le plus élevé. La sélection se fait assez rapidement. Ensuite, par exemple, on disait des monographies émanant des grands organismes de recherche mondiaux. Oui, pardon. Le JCR, c'est le Journal of Citation Reports. C'est en fait un document qui est un classement, en fait. C'est un classement d'environ de la majorité des titres les plus importants en sciences, toutes disciplines confondues. Et donc, il y a un facteur d'impact, donc qui est en fait le taux de notoriété. Et qui se calcule avec un calcul assez compliqué que je ne pourrais pas vous réexpliquer, mais en fait... qui indique plus le facteur d'impact est élevé, plus le titre de périodique est incontournable. Voilà. Donc. Oui. Oui. Si. Je disais donc, c'est vrai que c'est peut-être pas tous les jours facile de savoir quel journal on choisit et comment. Parce que je suis un peu dedans là, donc je vois bien le problème. Moi j'ai fait de la bio, donc c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus de facilité quand on me demande de faire un tri au niveau des périodiques biomédicaux. Oui. Mais c'est vrai que moi je remarque le facteur d'impact est dans certaines disciplines pas du tout représentatif des besoins des chercheurs, parce qu'il est quand même, il y a quand même un gros biais au niveau du calcul du facteur d'impact. Il faut dire que les éditeurs manipulent quand même assez fortement pour certaines revues. Les chercheurs eux-mêmes aussi le manipulent. Les chercheurs eux-mêmes d'ailleurs. Hein. Et donc du coup, dans certaines disciplines, il y a des gros loupés au niveau des revues, et puis on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout besoin de ce qu'on leur achète. Quoi, hein. D'accord. Donc, c'est juste une mise en garde, je dirais. D'accord, tout à fait. Ok, effectivement, c'est vrai, je suis assez d'accord. Maintenant, c'est vrai que ça dispense pas non plus d'une enquête de public plus approfondie, d'autres sources, effectivement, pour savoir quels sont les besoins de votre public plus spécifique. C'est un outil à relativiser, enfin, vous avez tout à fait raison, mais c'est un outil parmi d'autres, et bon, c'est vrai que quand même, croiser avec d'autres sources, dont les besoins des publics, avec les collections de votre propre bibliothèque, les collections des cadistes avec lesquels on peut se référencer, par exemple, ça a quand même un intérêt. Donc déjà premier outil, effectivement, je pense que la charte documentaire, même si elle est mince, c'est un incontournable, il faut commencer par là. Le deuxième point, c'est tout d'abord passer par un dépouillement des collections qui sont présentes dans la bibliothèque où vous serez nommé, enfin où vous officierez. Donc tout d'abord, commencer par un dépouillement ou au moins un survol des cotes, tout simplement, et ensuite des titres. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour les cotes. Donc ici, moi j'étais en charge des cotes 630 à 639 et puis d'autres. Et en 636, par exemple, c'était élevage et production animale, ce qui n'est pas très très parlant quand on lit ça comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les intitulés, en fait, et tout ce que comprennent cette cote avec toutes ces sous-cotes. Donc on sait que effectivement. Des documents, par exemple, sur la génétique, le pédigré, etc., l'alimentation, la nutrition des animaux. Là, ici, bon, on s'attaque au gros pavé de la médecine vétérinaire. En quoi elle est découpée? Disons qu'il y a des sous-catégories qui, là aussi, vous renseignent sur ce qu'est la discipline, tout ce qu'elle contient. Les maladies, voilà, les petits animaux, quels sont les... l'aviculture, ça donne un bon aperçu de... tout ce qu'il faudra chercher à acquérir et toutes les connaissances qu'il faudra aborder. Donc c'est que cette catégorisation est importante. Excuse-moi Sarah, il y a juste une limite à ce système avec les listes des cotes. C'est les disciplines qui sont un peu à l'écart parce qu'elles n'entraient pas dans la D-Way, on n'est pas arrivé à les caser. J'évoquais tout à l'heure le traitement du signal, et tu peux chercher le traitement du signal, on ne va pas le trouver parce que il y a juste quelque chose sur la théorie du signal, mais c'est pas tout, et voilà, et ça pose quand même un problème, parce qu'on a un outil bibliothéconomique qui n'est quand même pas ou très peu adapté aux sciences, en fait. Oui, tout à fait. Alors, d'une part, c'est vrai qu'il y a d'autres classifications. Bon, la Dewey est, c'est vrai, pas très, très adaptée aux sciences, comme tu le disais, en médecine non plus. Après, il y a d'autres classifications, notamment en bibliothèque de santé, où il y a la classification de la National Library of Medicine, qui est souvent employée, même en France. Donc, c'est pareil, ça c'est aussi un autre outil auquel il faudra vous familiariser éventuellement. Ce que tu dis, effectivement, c'est que ça n'est pas évident de classer comme théorie du signal, c'est ça ? Traitement du signal. Traitement du signal, pardon. Qui est à cheval entre au moins 4 disciplines. Donc. Effectivement, après, c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont quand même plus difficiles que d'autres. Je sais qu'en médecine, par exemple, ma collègue... avait du mal, je connais très mal la classification Dewey en médecine, mais entre eux, il y avait fait maladie système nerveux, et parfois il y avait des documents qu'elle ne savait pas où classer. Bon, ça c'est le problème, je crois, de la Dewey en général. C'est vrai qu'en science, comme tout fonctionne très vite et tout change très vite, c'est très difficile d'adapter aux nouveautés, aux recherches et aux découvertes immédiatement la Dewey. Donc voilà, bon, ça c'est pareil, c'est un autre outil. Qui s'ajoutent aux autres. Troisième point, ce qu'il est intéressant aussi de s'inspirer des enseignements de l'université où vous serez, les cours, les programmes, les disciplines couvertes, ou les centres de documentation qui seront présents dans votre université. Pour la BPI et la BNF, la problématique sera tout à fait différente, mais enfin, on pourra aussi se renseigner sur les programmes des universités ou des écoles d'ingénieurs dans les disciplines concernées, par exemple l'école des mines, l'Institut national agronomique. Il faut trouver des moyens pour avoir des ressources et qu'elles viennent soit de votre bibliothèque, soit d'autres établissements. Pareil, donc étudier les collections des écoles spécialisées ou des cadistes, ça permet par comparaison, au moins en visitant les sites web, en étudiant un tout petit peu les collections de bibliothèques un peu analogues, mieux connaître la discipline d'une part, d'autre part ne pas passer à côté d'incontournables. Si vraiment vos collections diffèrent alors que vous avez un public à peu près pareil, bon, ça permet de réajuster aussi vos acquisitions. Ensuite, il y a des forums spécialisés qui peuvent être assez utiles aussi, et où là, le public est intéressant. Enfin, moi, j'avais personnellement en agronomie trouvé un blog qui s'appelait Agroforum, où il y avait aussi bien des ingénieurs agronomes que des étudiants en agronomie. Et là, pareil, ça permet de mieux comprendre, d'avoir les problématiques actuelles, de savoir par quoi ils sont intéressés. ça vous permet aussi de poser des questions, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc ça c'est un autre moyen d'approfondir la discipline. pardon. Ensuite, il y a une autre petite astuce, c'est de commencer par les ouvrages de référence qui sont classés en Douai, par exemple en 630 généralité, où il y a les dictionnaires, les bibliographies, les ouvrages vraiment très généraux. Vous commencez par là, vous pouvez vous plonger dans ces livres-là qui sont justement très généraux, donc vous commencerez pas par le petit bout de la lorgnette de la discipline et les lire tout simplement. Et puis parce que les compétences disciplinaires, enfin, ça s'invente pas non plus. Il y a un jour où, tôt ou tard, où il faudra vraiment lire et les articles, les monographies, etc., pour comprendre ce qu'est votre discipline. Voilà. Il y a aussi les signés de la BNF et de la BPI, qui sont assez grand public. Donc, pareil, pointu. Donc, mais c'est une bonne vulgarisation aussi. Donc là, ça permet de renvoyer sur plein de sites incontournables et donc de comprendre un petit peu. Il y a les sites internet des éditeurs qui sont très très bien faits et où là effectivement on voit aussi quelle est l'offre éditoriale et ça confronte directement avec ce qu'on doit acheter, donc de toute façon les sites sont assez bien faits. Par exemple il y a Taylor et Francis où ils catégorisent déjà eux-mêmes, donc ça c'est vraiment très très précieux puisque on a déjà des sous-catégories qui sont faites. Je reclique sur le même. Voilà, avec ensuite donc des sous-catégories et puis les titres et un résumé de l'ouvrage. Donc ça aussi pour les acquisitions, c'est très bien fait. Donc il y a des sites comme ça. Et ici vous avez un petit résumé, bon en anglais, mais bon c'est pas très très compliqué. Donc les sites des éditeurs vous aident aussi en classifiant d'une part, en vulgarisant et puis en mettant ce petit résumé. Donc là aussi c'est quand même très très bien fait. Ici par exemple. Bon, Taylor et Francis sont pas très riches. Je vais essayer où il est. Qui est tout à fait, qui est un peu similaire. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous avez les listes des sujets et des références. Donc, voilà. Voilà. Ici, vous avez la médecine. Pareil, les titres, la classification. Là, en plus, on vous donne les nouveaux titres. Donc, pour les acquisitions, c'est encore plus facile parce que vous prenez les nouveautés. Ça vous fait déjà un tri. Donc, les sites des éditeurs, qui sont d'ailleurs de plus en plus en ligne et il y aura quasiment plus de catalogue papier. Donc, ils sont très bien faits et vraiment, je vous dis, ça aide pour les acquisitions. Ensuite, il y a lire les revues généralistes. Donc, commencer peut-être par des revues comme pour la science, sciences et vie en français et généraliste justement. Et puis ensuite, se spécialiser de plus en plus. Donc, dans le domaine particulier où vous cherchez à vous spécialiser. Et puis ensuite, donc passer à des revues anglaises. Là aussi, donc faire ça en trois étapes: revue très généraliste en français, revue spécialisée en français, revue spécialisée en anglais. C'est la seule façon d'approfondir un peu la discipline. Un autre moyen, c'est de lire les articles dans les bases de données, comme Science Direct ou PubMed. Donc là aussi, voilà, votre bibliothèque y sera sûrement abonnée. Donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est bien organisé. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Et là, vous avez la liste des revues. Donc, ensuite, vous pouvez voilà, et avoir accès à l'article lui-même. Donc, c'est pareil, ça, je vous conseille de les choisir et puis de les lire, tout simplement. Ensuite, donc, il y a des moyens, d'autres moyens. Par exemple, Formist. Donc, c'est le site internet de formation des bibliothécaires qui propose des documents spécialisés dans diverses disciplines. Donc, Et il y a aussi les stages de formation continue à l'ENSIB, hein, parce que j'y viens. On ne va pas quitter l'ENSIB pour de bon. Voilà. Donc, par exemple, ici, alors c'est quand même assez lointain, enquête sur les pratiques documentaires des chercheurs étudiants Pierre et Marie Curie. Mais enfin, pareil, là aussi, ça peut donc peut-être vous dispenser d'une enquête de public aussi et vous donner des indications sur ce dont ont besoin les chercheurs. En tout cas, le site de Formist a quand même pas mal d'informations. Donc, il est classé en discipline. Donc, vous avez droit, économie et vous avez une partie science. Alors bon, avec parfois des documents qui sont quand même assez éloignés des sciences, mais ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Et il y a aussi les documents pour la formation des usagers qui peuvent être intéressants, puisque c'est pour apprendre à utiliser une base de données en sciences. Donc si vous n'êtes pas familier de ces outils, vous pouvez toujours télécharger le PDF de la formation aux usagers. Voilà. Je voulais juste préciser, oui. Sur le site de Formis que Sarah vient de montrer juste avant, l'enquête du CREDOC, c'est celle qui fait pour l'instant référence sur les pratiques des usagers en bibliothèque de sciences. Bon. Qui a été faite à Jussieu, justement, en 2005 ou 6, je sais, 5. Et enfin, comme le disait Raluca, il y a aussi des formations continues organisées par l'ENSIB, qui sont donc pour la plupart d'entre nous gratuites. Mais qu'il faudra demander à votre direction, qui vous enverra ou pas dans ces formations. Par exemple, ici, ça s'adresse surtout aux personnels territoriaux, analyse critique de l'offre et vulgarisation des usages en sciences et techniques. Donc ça vous aide aussi à constituer une collection. Il y a aussi des formations purement sur la discipline. Moi, l'an dernier, j'avais assisté à une formation sur 5 jours, où on voyait une par une les grandes disciplines. Alors la physique, une journée les maths, une journée la physique, une journée l'informatique. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial, parce qu'on se replonge, on a l'impression de retourner un peu au collège et prendre des cours de maths et de physique, mais c'est intéressant. Généralement, les intervenants sont eux-mêmes des mathématiciens, des physiciens. Donc ils savent très bien de quoi ils parlent, et ça permet vraiment de s'atteler à la discipline. Donc voilà, un petit peu. Le fonctionnement en autonome. Donc je te passe la parole pour... Oui. T'as mis combien de temps pour identifier à peu près les sources vers lesquelles tu pouvais tourner pour avoir des acquisitions dont tu étais à peu près sûr? Parce qu'en fait, tout ce que tu dis, ça a l'air évident une fois que tu le dis, mais comment pratiquement t'as réussi à identifier ce qui était valide ou pas pour faire les acquisitions à la BNF? Alors déjà, moi, j'ai commencé en ayant la chance d'avoir un PPP, qui est un projet, qui portait sur l'élaboration d'un plan de développement des collections. Donc de toute façon, j'ai dû m'atteler à dépouiller les collections du Haut-Jardin, du Ré-de-Jardin, l'affaire de politique documentaire. Donc ça m'a permis effectivement de savoir ce qui était sous ma responsabilité et ce que je devais traiter. Donc déjà ça. Ensuite, j'avais hérité d'une sélection de signés de la personne qui me précédait. Et donc là, avec beaucoup, beaucoup de sites d'éditeurs qui m'ont pas mal aidé, parce que c'est vrai que la recherche est assez longue. Enfin, autant dans les cultures il y a 10 000 éditeurs, autant sur l'apiculture aux États-Unis il y a quand même très peu d'éditeurs qui vont traiter ça. Donc il y avait tout ce travail là de présélection déjà de sites d'éditeurs qui m'avait aidé. Donc je pourrais pas dire ça s'est fait peu à peu, en fait. Enfin, je dirais pas qu'en 3 semaines je savais exactement quoi acheter, mais ça s'est fait petit à petit. Donc j'ai passé la parole à Christophe qui va parler un petit peu de quand on peut compter sur des aides et qu'on n'est pas en autonome et tout seul. Voilà. Donc pour ça, on va revenir à l'ENS, à l'ENS Lyon. Donc à l'ENS, ils étaient chargés des acquisitions pour de 6 disciplines, donc mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie et géologie. Donc il y avait 2 acquéreurs pour ça, un en maths info. Donc c'était une fille qui avait fait des études de théologie. Et le deuxième acquéreur donc s'occupait de la physique, chimie, biologie, géologie. Et lui, il avait fait des études d'histoire de l'art. Donc ils avaient un budget de 35 000 euros à gérer. Donc ça représentait grosso modo 1 000 ouvrages. Donc effectivement, ils avaient la chance de pouvoir compter sur des correspondants. dans chaque discipline. Voilà. Donc là, vous avez les listes, voire plusieurs correspondants par discipline, dans certaines disciplines comme les mathématiques, par exemple. Donc un correspondant pour l'enseignement et un correspondant pour la recherche. Donc leur travail quotidiennement, en fait, ça consistait surtout à du travail effectivement de dépouillement et de veille documentaire. Donc concrètement, ils utilisaient quelques-uns des outils que Sarah a présentés. Par exemple, ils allaient sur la revue American Choice, qui est une revue de sélection des ouvrages déjà, anglo-saxonne, puisqu'effectivement, comme tu l'as précisé aussi, eux, en recherche, 80% des acquisitions étaient anglo-saxonnes dans les domaines comme les mathématiques, l'informatique, la physique. C'était très majoritairement de l'anglo-saxon. Et par contre, pour l'enseignement, c'était majoritairement en français. Malgré, il faut le préciser aussi, la faible qualité des éditeurs français en sciences, qui est un vrai problème aussi pour les acquisitions de sciences. Donc effectivement, ils servaient de cette revue de choice, ils servaient des éditeurs, donc ils avaient un éditeur anglo-saxon qui s'appelle Dawson, où effectivement tu as aussi des notices bibliographiques qui sont très bien faites, où il y a notamment les niveaux auxquels s'adressent les ouvrages, donc ça permet déjà d'effectuer un premier tri. Et ensuite, ils se tenaient au courant de ce qui sortait dans les périodiques scientifiques. Ils allaient voir dans les catalogues de nouveautés aussi, des petits copains sur les autres bibliothèques scientifiques, à Jussieu, Orsay, etc. Donc ça peut toujours servir, effectivement. Et tous les 4 mois, ils avaient passé les photocopies de l'ensemble des notices qu'ils avaient à leurs correspondants. Et quelques semaines plus tard, ils avaient une réunion de bilan avec le correspondant. Donc là, le bibliothécaire aussi avait fait un petit travail, c'est-à-dire qu'il avait essayé de repérer dans son domaine les ouvrages qui effectivement étaient saturés, qui sortaient énormément, qui seraient opportuns de recommander, etc. Et il se voyait confirmer par le correspondant l'ensemble de ses propositions, des notices qu'il avait proposées, est-ce qu'effectivement il était opportun d'acheter tel ouvrage, etc. Donc il y a 3 réunions par an comme ça, et à chaque fois donc ils font un point aussi sur le budget qui reste à dépenser, etc. Donc les relations avec le correspondant, donc là comme ça paraît assez idyllique, mais ça dépendait effectivement énormément des correspondants. Il y avait des correspondants qui étaient plus ou moins impliqués dans leurs tâches, puisque effectivement c'est des tâches aussi, il faut le préciser, pour les correspondants qui sont pas défrayés, c'est du pur bénévolat pour eux. Donc effectivement à la fin de l'année, quand le budget à dépenser était assez conséquent, il y a une grosse partie du travail qui consistait à essayer de choper le correspondant où c'était possible de le choper, c'est-à-dire dans le labo ou à la cantine, etc., pour lui rappeler qu'on existait effectivement, la bibliothèque, et qu'il restait de l'argent à dépenser. Parce qu'effectivement, le budget doit être dépensé. S'il n'est pas dépensé, après, il y a une réduction de budget l'année d'après. Donc, c'est toute la discipline qui en pâtit. Et vu qu'il y avait besoin, en fait, pour chaque acquisition, de l'aval du correspondant, ce qui est une des limites du système, bon, effectivement, il y avait un gros travail de relations publiques, finalement, pour l'acquéreur. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs avantages, effectivement, à ce système, bien sûr. Le principal avantage, c'est que il y a une prise en compte qui est systématique de la demande. Donc il y a une forte adéquation forcément avec les programmes pour ce qui est de l'enseignement, avec l'orientation de la recherche pour les chercheurs. Et tout ça, ce serait quasiment impossible si les acquéreurs étaient livrés à eux-mêmes. Malgré tous les outils que t'as présenté Sarah, effectivement, je pense que effectivement, c'est ce que je disais, je pense que la grande différence avec les sciences sociales, même si on n'a pas fait de la discipline, même du droit, quoi, qui peut être une discipline assez spécifique, et les sciences dures, c'est qu'à un moment, on va se heurter à un mur. On a beau essayer de s'intéresser à la question, au domaine, il y a des choses qui nous resteront totalement inintelligibles. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque même les chercheurs entre eux, les disciplines sont tellement spécialisées que c'est impossible pour eux de comprendre des disciplines qui sont même parfois connexes, quoi. Et par contre, bon, il y a aussi de très gros inconvénients. Ont déjà une certaine dépendance qui pourra allonger le temps de mise à disposition du document, puisqu'en fait il n'y a pas seulement l'acquisition qui est validée par le correspondant, mais il y a aussi l'indexation. Bon, c'est un autre souci, mais du coup ça peut allonger effectivement la durée de mise à disposition du document. Ensuite, le correspondant, il peut aussi, il est censé se faire la voix de l'ensemble de ses collègues, de l'ensemble du labo de recherche, en recherche, etc., mais il peut aussi capter l'ensemble du budget pour lui-même ou pour sa petite discipline ou son petit trip perso, quoi. Donc effectivement, faut faire attention à ces problèmes de distorsion qui peuvent exister. Et puis finalement, le plus gros souci, c'est que c'est pas un cadre de travail qui avait été mis en place de manière à rationaliser les acquisitions. C'est quelque chose effectivement qui est hérité d'un vieux système puisque c'était les laboratoires avant qui étaient donnaient, chapeautaient en fait l'ensemble des acquisitions, puisque c'est eux qui effectuaient les dotations budgétaires pour l'acquisition directement à la bibliothèque. La bibliothèque n'avait pas de budget autonome d'acquisition. Donc voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a un juste milieu dans ce système à trouver, mais que ça peut être quelque chose d'intéressant qui pouvait être mis en place aussi à l'ENES, parce que c'est effectivement un petit établissement avec des chercheurs qui sont assez proches. Je ne sais pas si dans un gros établissement comme Lyon, je sais pas. En tout cas, ça paraît envisageable d'avoir un système. Le système de correspondants n'existe pas, c'est-à-dire il y a quelques correspondants bénévoles, mais c'est des liens créés directement par le conservateur. Il n'y a pas une fonction désignée. Mais en profitant justement de ce chantier de réaménagement total des collections, des espaces documentaires, les UFR commencent à se rendre compte qu'il y a peut-être un rôle à jouer. Donc, ils commencent à demander à ce qu'ils soient consultés, mais justement à travers pas tellement un système de correspondants unique, mais à travers les commissions formation. Et c'est vrai que ça, c'est très important quand on arrive en BU, savoir qu'on peut s'appuyer sur les commissions formation des UFR, parce que les bibliothécaires n'ont pas cette habitude, ce réflexe. Voilà. Même s'il n'y a pas un correspondant désigné officiellement. Ouais. Enfin, je pense que pour un certain volume d'acquisition, du coup, ça occasionnerait peut-être un système qui serait lourd à gérer. Tout à fait, c'est-à-dire ce que tu décris, toi, c'est vraiment une mise sous tutelle de la bibliothèque, alors que si à chaque fois les correspondants doivent valider l'indexation, c'est infaisable. Voilà. Et à propos de ce juste milieu qu'a évoqué Christophe entre l'autonomie absolue et la tutelle, c'est vrai que ce juste milieu est très important à trouver pour les grands moments qui ponctuent l'évolution des collections, pour la rédaction d'un plan de développement des collections, par exemple. Parce que là, il faut vraiment s'appuyer sur les intitulés des UE. Or, souvent, les intitulés sont tarabiscotés, on comprend rien, on ne sait pas ce qui se cache derrière, parce qu'il y a des luttes de pouvoir dans les UFR, donc on a mis un intitulé qui satisfasse tout le monde. Enfin bon, voilà, donc là, il faut vraiment s'appuyer sur les enseignants-chercheurs. Et un autre point qui est important, c'est pour tout ce qui est répercuté dans l'organisation des collections, les changements dans les sciences, lesquels peuvent être parfois très rapides. Et par exemple, j'ai rencontré bon nombre d'enseignants de Lyon 1 qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces intitulés chimie inorganique ?» Aujourd'hui, on ne parle plus depuis un temps de chimie inorganique. C'est la chimie du solide, on ne parle plus de chimie industrielle. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est aussi un choix du responsable des acquisitions de est-ce qu'on tient le pas avec les changements, ou est-ce qu'on considère qu'au contraire, les intitulés, la signalétique, tout ça doit rester stable, que la bibliothèque n'est pas là pour changer tous les deux ans. Donc voilà, et le juste milieu est parfois très difficile à trouver. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être essayer, parce que sinon, on se demande pourquoi les étudiants en sciences et surtout les enseignants ne viennent pas en BU. Il y a peut-être un peu de cette inertie bibliothéconomique qui est à remettre en cause. Donc maintenant, on va aborder la question des budgets. Donc, le budget de la bibliothèque de géologie recherche, en fait, est double. D'abord, la bibliothèque reçoit 62 000 euros de la part de la bibliothèque interuniversitaire de Jussieu, mais surtout 283 000 euros fléchés comme subvention au titre de cadiste. C'est une enveloppe un peu moyenne pour les cadistes, puisque, par exemple, le cadiste d'italien à Grenoble touche 40 000 euros, mais ça peut monter jusqu'à 700 000 euros au cadiste de pharma, chimie et pharmacie de Lyon 1. En fait, les enveloppes sont essentiellement liées aussi au prix des ressources dans la matière. Donc en géologie, on estime qu'un livre coûte à peu près 120 euros, ce qui peut monter encore beaucoup plus cher dans les domaines comme la physique ou la chimie. Donc on voit que la question des ressources pour les cadistes sont une question essentielle, peut-être encore plus que dans d'autres bibliothèques. Cependant, depuis début des années 2000, les cadistes sont soumis à de gros problèmes budgétaires. Donc en 2000 notamment, l'enveloppe était tellement peu importante pour le cadiste qu'il a fallu supprimer toute acquisition de monographie et le cadiste n'a pu se recentrer que sur les périodiques, les standing orders. Donc on imagine aussi aisément le problème pour récupérer après les retards d'acquisition en monographie, puisque alors les titres ont souvent disparu des catalogues et ne sont plus disponibles, ce qui entraîne également des collections incomplètes. Donc dans ces conditions, dans les années 2000, le cadiste a mené une réflexion sur une politique de désabonnement afin de se recentrer sur un noyau central de collections de base. Donc, je ne sais pas si vous en rappelez, mais enfin, peut-être pas très vaguement, mais on l'a vu en fait dans un cours de Bertrand Calonge. C'était une histoire avec des cercles concentriques et en fonction des différentes collections disponibles sur l'Île-de-France et Paris. Tu peux nous rappeler la date peut-être du cours? Non, là, je ne sais pas. Donc, en conséquence, de 2000 à 2005, le nombre d'abonnements de périodiques papier a diminué de 27% pour le seul cadiste, notamment pour ce qui concernait les publications locales, qui sont pourtant une richesse, puisque c'est une des rares bibliothèques sur Paris à disposer de ces publications locales. Cependant, le cadiste des sciences de la Terre n'est pas le seul concerné, puisque plus ou moins tous les cadistes sont confrontés à cette situation actuellement. Et certains auraient même été obligés d'attaquer directement le noyau dur et de supprimer des abonnements qui sont pourtant nécessaires. Et on estime que pour revenir au niveau de 1995-2000, pour le cadiste des sciences de la Terre, il faudrait renoncer à acquérir toute monographie, ce qui est bien évidemment totalement impensable, puisque la recherche se repose également sur les monographies, comme disait Raluca. C'est vrai, vous pourrez me dire que même si le cadiste désabonne, on dispose maintenant des ressources électroniques. Donc, par exemple, le cadiste a 280 titres papier contre 200 titres électroniques. Mais ça pose notamment des problèmes avec les lecteurs qui ont du mal à comprendre souvent que certains titres ne sont pas disponibles sous forme électronique alors que vous l'avez sous papier, etc. Mais surtout, ça pose la question des problèmes des conservations. Donc, encore qu'une bibliothèque comme Strasbourg se désabonne totalement de ces périodiques papier, je veux bien à la rigueur. Mais en ce qui concerne un cadiste qui a pour fonction principale le PEB, je le rappelle, ça pose un problème puisque c'est le problème aussi de l'archivage des ressources électroniques, etc. Donc, dans ce cas-là, on peut se demander s'il est bien judicieux pour les cadistes de se désabonner en fait des périodiques papier. L'autre problème, c'est la stagnation annoncée du budget des cadistes. Le ministère a décidé de bloquer l'évolution des enveloppes des cadistes pour au moins l'année 2007. Donc, ce qui ne va en fait que renforcer les problèmes, puisque les prix des ressources électroniques, notamment, continuent à augmenter. Donc, même si à travers des consortiums comme Couperin, les prix augmentent à peu près de 4-5% par an, dans certaines publications locales, ça peut monter jusqu'à 20% par an. Alors que les budgets n'augmentent pas, évidemment, dans ces eaux-là. L'autre problème aussi, c'est que finalement, le cadiste de la Terre, et donc je pense que d'autres cadistes, commencent à prendre du retard, un grave retard sur les autres établissements, similaires en Europe, puisque, le cadiste voulait s'abonner à un bouquet de revues en ligne qui offre en fait des ouvrages, enfin des périodiques qui est le seul à fournir, et des bibliothèques qu'on présente comme dans des pays plutôt arriérés, j'ai envie de dire, en Espagne, en Italie, peut-être même en Hongrie, ont les moyens d'acheter ces bouquets. En fait, en France, on n'a absolument pas ces moyens. Et c'est d'autant plus curieux, en fait, parce que le cadiste est négociateur couperin dans tout ce qui concerne les sciences de la Terre. Et en fait, il n'a même pas les moyens d'acheter les abonnements qu'il négocie. Donc en fait, j'insisterai particulièrement sur l'importance de rester vigilant sur toutes ces questions de budget, notamment pour les cadistes. Et les cadistes eux-mêmes ont conscience de cette situation et en fait, ils vont essayer, normalement, ils vont essayer, enfin, en ce qui concerne les cadistes des sciences de la Terre notamment, ils ont commencé à prendre des informations sur les différents établissements similaires en Europe pour savoir à peu près les questions de budget, de moyens, pour avoir, avec les autres cadistes, une force de persuasion, on espère, sur les institutions. Oui, question qui a trait au, à l'acquisition des ressources électroniques, pas tant sur le budget des cadistes que sur le budget de Jussieu. Comment est-ce que les acquisitions se faisaient ou comment est-ce qu'elles se répartissaient sur les budgets, sachant que tu avais cet éclatement comme ça des disciplines? En fait, il y a une une conservatrice chargée de l'acquisition de la documentation électronique pour tout l'ensemble. Et il y a en fait trois budgets spécifiques. Il y a une enveloppe de la part de Jussieu. Il y a une enveloppe qui vient de la mutualisation en fait. Donc Raluca en a parlé un peu rapidement, c'est les laboratoires qui veulent bien donner un peu d'argent pour acheter des ressources en commun. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le BQR, le bonus qualité recherche, qui est donné par l'université de Paris 6, dont dépend le cadiste, directement pour la ressource électronique, pour la recherche, etc. Mais à propos, excuse-moi Tiffaine, juste un mot, à propos de ces crédits de recherche, il faut être vigilant parce que de plus en plus de présidents d'universités, au moment où ils font campagne, ils disent « Ah, ma première promesse, je vais supprimer le fait que des crédits de recherche soient utilisés pour le budget de la bibliothèque ». Donc là, ça pose un gros problème parce qu'au moment où les ressources électroniques sont disponibles sur tout le campus et même en accès nomade, elles représentent un outil de recherche comme le labo en fait. Et ça, voilà. Alors qu'en ce moment, les ressources électroniques sont assimilées aux bibliothécaires, c'est eux qui gèrent pas ça bien, enfin bon, voilà. Certaines bases, en fait, peuvent être acquises directement sur le budget des bibliothèques. C'est le cas notamment des bases qui sont disponibles en géologie recherche, elles sont acquises sur le budget de la bibliothèque. Et moi, c'est juste pour finir, parce que l'exemple de Lyon 1 est assez révélateur aussi. Ils sont cadistes en chimie-pharmacie. Et en 2006, ils avaient un manque de 200 000 euros pour payer tout ce qu'ils achetaient au compte du cadiste. Donc, ils ont 700 000 euros de subvention, mais les 200 000, ils ne savaient pas où les trouver. Et la seule solution, du coup, c'est le désabonnement. Or, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut encore parler d'un cadiste? Et ça nous a paru important de soulever ce problème parce qu'à l'ENSIB, on nous présente le système des cadistes comme étant la clé de voûte de tout le développement français dans les bibliothèques universitaires. Et ça marche pas du tout. Et ça peut se révéler même comme un piège pour les établissements qui, du coup, sont appauvris. Et voilà, donc il faut vraiment avoir de plus en plus un regard critique sur ce système de cadiste qui peut pas demeurer tel qu'il est encore longtemps. Il y en a qui posent tout le temps des questions, donc je vais quand même poser deux. J'ai deux questions à poser. Non, la première, en fait, c'était parce qu'il y a quelqu'un qui était venu nous faire un cours de Lyon 1, je crois, qui avait parlé du réaménagement des espaces à OSCD Lyon 1, qui expliquait que, en fait, l'idée maintenant, c'était de faire, je crois, au rez-de-chaussée, un espace où on développerait la littérature, des romans, des BD, pour que ça constitue une sorte aussi de... Mais ça existe, hein. Ça existe déjà, hein. Non, non, c'est... C'est quelque chose qui était en développement, s'il y avait des réflexions là-dessus. Maintenant, c'est à l'entresol, donc ça va être au rez-de-chaussée à partir de 2009. C'est la tendance de faire de l'action culturelle en BU. C'est bien pour obtenir des sous de la part de la présidence, parce que voilà, on fait des actions culturelles. En même temps, c'est très bien aussi de développer un peu la lecture publique en fait en BU, parce que cette salle de culture générale, qui maintenant n'est pas au rez-de-chaussée, mais qui existe quand même, est vraiment très fréquentée à Lyon. Il y a un responsable à ce moment-là pour... Oui, il y a un responsable de, pour tout ce qui est culture. Ils appellent ça culture G, donc un responsable. Voilà. D'accord. Bon. Et juste une deuxième question très très générale. En fait, est-ce que du coup votre expérience à tous les quatre, ça vous a donné envie de travailler en BU Sciences ou... Parce que donc il y a cette idée un petit peu, de, cette blague, ce préjugé dont vous parliez au début. De votre exposé qui était que c'était pas forcément une signature. Est-ce qu'on peut répondre à la fin? Parce que là, on n'a pas tout à fait fini. Oui, oui. Un constat que ce serait intéressant. Au fil de ce que le micro est à côté, moi j'avais une autre question. Tu parlais tout à l'heure du problème des, de l'usage par les, fait par les entreprises de la documentation de la bibliothèque. Électronique. Électronique, oui. Est-ce que, si on se débrouillait bien, on ne pourrait pas envisager que ça devienne éventuellement une solution au problème de sous? Non, parce qu'au moment où tu dis au fournisseur « Ah, vous savez, en plus, on a un partenariat avec des entreprises, tes prix vont augmenter. » Et tu ne peux plus rester avec la négociation couperin, parce que négociation couperin, ça concerne uniquement un usage strictement académique qui tolère ces cas de working users, mais ils sont tolérés et pas vraiment acceptés. Et voilà. Après, il faut voir qu'il y a des bibliothèques, pas en sciences, mais par exemple en droit, QJAS par exemple, propose un service, mais pas d'accès direct aux ressources électroniques payantes, mais un service de conseil pour des entreprises. Je ne sais pas exactement le cadre de ce service, mais il est vraiment séparé pour le coup de la bibliothèque. Et donc, pourquoi pas, ce serait une idée de dire on va ouvrir ça aux entreprises. Mais dans ce cas-là, il faut voir que le prix de l'abonnement va être énorme. C'est peut-être un pis-aller, mais comme manifestement l'État n'a pas l'air d'être prêt à donner des sous en ce moment... Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'en France, le mécénat privé en bibliothèque n'est pas très accepté. Après, c'est peut-être l'avenir, j'en sais rien en fait. Moi, je me pose juste la question. Mais par exemple, à propos de la rénovation de Lyon 1, il leur manque des sous, bien sûr. Et ils se disaient, on va peut-être démarcher des boîtes. Mais quelqu'un a dit oui, mais vous voulez qu'on fasse comme à Berlin, où du coup, sur la bibliothèque, c'est marqué en grand, en énorme, Volkswagen. On va pas devenir la bibliothèque Volkswagen. Donc, mais c'est un vaste débat, hein. Mais je pense qu'il y a encore une question derrière. Bon, en fait, tu as dit que le système d'Acadiste, tel qu'il était a priori pas très bon. Ma question, c'était, il est pas très bon parce qu'il n'y a pas assez de financement, ou c'est l'organisation même avec des cadistes qui est en elle-même nuisible? Moi, ma conclusion, c'est que c'est plutôt le manque de financement. Mais ça dépend aussi peut-être des bibliothèques, parce que je sais que s'ils avaient eu plus d'argent, ils auraient pu le dépenser. Après, est-ce que tous les cadistes dépensent tout l'argent qu'ils reçoivent? C'est toujours le même problème. Et normalement, il doit y avoir des évaluations régulières des cadistes. Donc, il y a toujours des enveloppes qui bougent, etc. Donc, parce que en ce qui concerne le fonctionnement même du système des cadistes, avec le système, parce que le principal travail des cadistes, c'est l'acquisition et la diffusion, donc par le système du PEB. Et dans ma bibliothèque, on va dire, ça fonctionnait. Après, je sais pas. Je pense que ça dépend beaucoup des cadistes. Par exemple, le cadiste en maths à Orsay a l'air de marcher plutôt bien. Après, je connais pas les détails financiers. C'est évident qu'il n'y a pas assez de sous et que le ministère de l'Éducation ne se rend pas compte du désastre actuel dans les bibliothèques, pas uniquement en sciences, mais surtout en sciences, pour ce qui est des budgets. Mais après, il faut voir aussi pour cette question du PEB, je ne sais pas quel est le cas à Jussieu, mais à Lyon 1, ils ont eu une baisse du PEB énorme. Donc là, on peut vraiment se poser la question, est-ce que le système des cadistes a encore une valeur pour tout ce qui est diffusion ailleurs que dans l'établissement concerné? Le PEB, en fait, fonctionnera toujours pour les monographies, enfin, a priori, toujours, à moins d'envoyer par fichier, etc. Mais c'est vrai que depuis l'apparition des ressources électroniques, à Jussieu aussi, on a constaté une baisse phénoménale de la fonction PEB. Et je voudrais juste aussi préciser que les cadistes, en fait, pour un lecteur quelconque, le mot cadiste ne signifie strictement rien. Une fois, j'ai demandé, j'ai précisé à quelqu'un qu'il fallait consulter le cadiste, et on m'a regardé avec de grands yeux. Alors qu'on était le cadiste. Donc, en fait, on ne sait pas ce que ça signifie, ce signe. On ne sait pas à quoi ça peut servir, on ne sait pas. Donc, en fait, il y a plusieurs questions qui se posent sur les cadistes actuellement. Mais je pense que c'est quand même une bonne solution. Enfin, ça, c'est mon avis. Non, mais il y avait déjà une question, en fait. Oui, en fait, moi, je voulais revenir sur la question des périodiques électroniques. On parle de par exemple, de couperins, de regroupements, etc. Mais est-ce que le problème, c'est vraiment une question de fond et que ce n'est pas une question, je dirais, d'adéquation entre l'usage que font les chercheurs et puisqu'on leur propose... Parce que, et puis leur comportement, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de chercheurs qui consomment sans vraiment savoir d'où viennent les ressources, en se moquant totalement de savoir comment est-ce qu'on les a acquises. Et puis au final, quand la ressource n'est plus là, ils vous disent « Attendez, c'est plus là, c'est quoi ce bordel ?» Et après, quand vous leur dites « Écoutez, nous, cette année, on a 40% d'augmentation sur le prix des revues et puis ça nous coûte 35 000 euros de plus cette année », ils vous font des grands yeux en disant « Ah bon, ça coûte tant que ça une revue ?» Et il y a aussi ce côté un peu, on a droit à tout, on clique partout, du coup on se pose pas la question de savoir comment ça a été financé derrière. Et on a l'impression de pas être suivi par les chercheurs quand on négocie avec les éditeurs. Parce que l'éditeur, lui, sa réponse c'est de dire, écoutez, de toute façon, pas de souci, désabonnez-vous, hein, et puis vous reviendrez dans 2 ans parce que vos chercheurs, ils grogneront tellement que vous serez obligé de trouver des financements. Il y a un peu cette logique-là derrière qui est de dire, pour les éditeurs, de toute façon, on a la main mise, et j'ai pas vraiment l'impression que Couperin ou tous les autres types de regroupements arrivent à mettre face aux éditeurs des négociateurs avec une capacité de négociation suffisante. Donc, est-ce qu'il y aurait... Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Hein. Ouais. Mais je me pose la question vraiment de savoir au niveau de la consommation que font, parce que c'est vraiment ça hein, le mot, qui consomment du périodique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un autre moyen de leur apporter cette littérature, de les faire consommer cette littérature ? Nous, on est un peu sur cette problématique-là. Et on se pose la question de leur proposer des budgets en leur disant maintenant, les articles, vous les payez vous-même à l'unité et on arrête de payer des bouquets de revues qui sont à moitié utilisés. Ça existe à ABNF, le pay-per-view. Hein. Mais ça ne règle pas non plus le problème. Hein. Voilà, ben... Et les flux de téléchargement dans des labos, c'est énorme. Donc les pay-per-view, je ne sais pas si ce serait viable en science. Mais après, c'est justement à cause de ce que tu évoques qu'il faudrait que les labos et les instances de l'université, le CVU, le CS, ils ont de l'argent, ils ont des enveloppes. Il faudrait qu'ils s'impliquent vraiment, qu'ils prennent conscience que les ressources électroniques, ça représente presque une dépense de flux comme l'électricité. Et voilà, il n'y a pas que la bibliothèque qui doit s'en charger. Mais ça commence, c'est une idée qui commence à faire son chemin. Mais voilà. À peu près 25% des postes en BU de sciences. Alors, est-ce qu'on ne pourra pas répondre ici ? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour recruter 25% de scientifiques master, quoi ? Que ce soit sur les concours, dans les masters, il y a peut-être un moment où il faut se poser la question de on recrute 25% de scientifiques, sachant que même un littéraire très brillant, pour devenir scientifique, il va avoir un peu de mal. Mais bon, on ne peut pas répondre ici. Une question, peut-être, là où vous pouvez répondre. Il y a un recouvrement d'offres CNRS-BU. Est-ce que les BU font du dédoublonnage en se demandant si tel et tel bouquet n'existe pas déjà ailleurs ? Alors, s'il est au CNRS, ben, c'est pas la peine de s'abonner, on se désabonne. Et ceux qui ne sont pas dans des labos, ils font comment ? Dans le cas où ils sont Mais ça existe, mais... L'offre, elle est étudiée de façon très précise pour voir s'il y a des endroits où on peut enlever des bouquets. C'est-à-dire le CNRS ne veut pas de concertation, en fait. Ça part de ça, le problème. Le CNRS fait les choses un peu perso et les BU doivent se débrouiller. Si les BU se désabonnent, dans ce cas-là, ça veut dire que bon nombre d'usagers n'auront pas accès parce qu'ils n'ont pas d'identifiant CNRS. Donc, d'accord, ceux qui sont chercheurs au CNRS ou ceux qui sont sur des postes dans des équipes mixtes, dans des unités mixtes de recherche, eux, ils pourront avoir encore accès à ces bouquets. Ben, les autres, non. Et... Est-ce que le recouvrement, il est vraiment étudié ou est-ce qu'on reste au niveau d'une impression, d'un discours très général qui est, ils ont la même chose, les CNF. Est-ce que vraiment, à un moment, c'est mis à plat ou pas, par rapport à l'expérience que vous avez pu avoir? Ça, moi, je ne peux pas dire pertinemment, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez étudié. Et c'est une question qui revient systématiquement dans les instances de l'université. Donc, ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a quoi? On peut finir. Ouais, juste ouais, ouais. Sur la question, enfin, ce que tu évoquais effectivement sur les recouvrements d'offres. Nous, on a un peu le problème aux hospices de Lyon, puisqu'on a des catégories de chercheurs en fonction de leur statut. Et nous, ce qui nous pose le plus gros problème, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les unités de recherche sont complètement mixtes. Enfin, on en a beaucoup qui sont mixtes, avec du coup des gens qui viennent de partout. Et comme ce sont leurs institutions qui payent telle ou telle offre, alors après c'est négocié au niveau des unités mixtes, mais par exemple si la personne se trouve dans une unité mais qu'il est professeur des universités, enfin, professeur des universités, il n'aura pas les mêmes ressources qu'une personne parfois dans la même unité mais qui lui est praticien hospitalier. Donc du coup on se retrouve avec des systèmes complètement alambiqués où on a des gens qui sont des usagers qui se retrouvent dans des situations de besoin, mais pour des questions d'institution finalement ils n'ont pas accès à la ressource. Et chez nous, je sais que c'est très très mal vécu en tout cas. Et puis deuxièmement, pour la question là, du manque des scientifiques en BU, bon, moi je suis scientifique, mais je peux t'assurer que pour me trouver, ils ont dû chercher à l'ENSIB. Hein. Et c'est vrai que le recrutement à l'ENSIB, enfin je parle pour l'ENSIB, n'est hein, pas du tout axé sur les études scientifiques. Et il a fallu que je rappelle en conseil scientifique à M. Metzger qu'il existait un campus de la DOI dans lequel ils pouvaient trouver des étudiants scientifiques qui pouvaient être intéressés au niveau des masters par les formations en doc. Mais ils n'y avaient pas pensé. Donc je pense qu'il y a aussi une question d'image du métier qui fait que ça ne ramène pas les foules en sciences quoi, non plus. Mais, ouais. Après, pour les concours de conservateurs bibliothécaires, moi je pense qu'il y a une volonté de recruter des scientifiques qui se traduit dans les sujets qu'on a souvent. Qui sont le fait que régulièrement la disserte soit axée sur les questions de science. Oui, c'est une disserte, mais bien sûr. Après, ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire ils peuvent pas changer en cours de route les épreuves. Enfin, je connais rien, mais tu crois pas que l'oral en plus est éliminatoire pour un scientifique avec le coefficient qu'il y a pour l'oral. Ouais. Mais il faudrait changer complètement le concours. Il faudrait pourquoi pas faire deux voies. Il y a des grandes écoles qui ont deux voies différentes pour en fait faire la même chose après. Donc ça, ce serait une vraie bonne idée de faire une voie scientifique. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire aussi une voie juriste? Mais voilà. Je suis désolée, mais le fait que ce soit une dissertation, je suis pas sûre que la dissertation soit particulièrement littéraire. Et puis il y a aussi, non sérieusement, ils sont censés savoir écrire aussi les scientifiques, hein, faut pas croire quoi, ils font pas que des exercices. Et puis non seulement il y a ça, puis il y a aussi la note de synthèse. Qui peut être en science. Je veux bien dans un sens, mais par exemple la note de synthèse avec des textes scientifiques. Mais oui, mais il y a des textes scientifiques, tu vois, je veux dire, c'est pareil. Enfin, des textes de l'algèbre, ce serait pas... Ouais. C'est vrai que je dois avouer, ils savent écrire les scientifiques. Enfin, on le dit souvent, moi pour avoir fait de la bio, tout type d'examen se fait par la dissertation en biologie, hein, de toute façon. Il est impossible de traiter un sujet de biologie sans faire de la dissertation. Mais c'est vrai que c'est la forme qui est effectivement discriminante, dans le sens où il est évident que quand on a fait, une maîtrise de biologie, on ne disserte pas de la même manière qu'une personne qui a fait une maîtrise de socio ou de philo. C'est assez évident. Et après, reste à savoir qui corrige les copies, mine de rien. C'est pas des scientifiques. Juste pour... Oui, pardon de t'interrompre. Juste pour rappel, dans le concours de magasinier, il y a une épreuve de maths. Donc, pourquoi on pourrait pas mettre une épreuve de maths après tout, hein? Bon. Donc, Je pense qu'il y a vraiment une question d'image aussi, hein, vraiment. Pour dépassionner le débat, il y a donc dans le livre l'enquête de 91, demander aux bibliothécaires leur interprétation de cette prédominance littéraire dans la formation initiale. 32% des personnes interrogées ont répondu que la formation littéraire préparait mieux au métier de bibliothécaire et 60% que les scientifiques avaient plus de débouchés ailleurs. Donc bon, c'est aussi sans doute effectivement une raison, et qu'après médecine, on se tourne pas forcément vers des études bibliothécaires, tout simplement. La médecine, c'est un cas vraiment à part, mais oui, c'est vrai qu'après la bio, pourquoi ne pas faire conservateur, ou après les maths, ou voilà. On va juste conclure avec une bibliographie très sommaire, avec deux ouvrages, donc Sciences en bibliothèque, celui-ci qui est, je suis un peu critique, mais qui n'est pas excellent, mais qui est un des rares qui traite des bibliothèques et de la science, et aux éditions du Cercle de la Librairie. Ça passe surtout de la vulgarisation scientifique et comment vulgariser la science, malgré tout dans les bibliothèques publiques. Plus ça traite plus des BM. Et le deuxième, c'est lire la science. Et donc c'est le concept intéressant, c'est une sélection d'ouvrages pour toucher un peu à tous les domaines. Donc une sélection en mathématiques, en physique, en chimie, en médecine, enfin un peu tout, en 88 titres. L'inconvénient, c'est que les titres sont assez vieux, des années 90 majoritairement. Donc il faudrait peut-être rafraîchir le concept et faire une deuxième édition. Mais bon, en tout cas, ça donne une base si on veut se familiariser avec des ouvrages de science. Voilà. Juste pour répondre à Julien qui nous a posé la question, qu'est-ce qu'on ferait si on allait travailler en bibliothèque de sciences? Mon expérience, moi quand j'ai vu que je devais aller faire mon stage à Lyon, j'ai été très déçue parce que c'était pas du tout dans mes préférences. Mais après avoir fait le stage, je retournerais bien y travailler en fait. Et après, ça doit dépendre des établissements, mais je pense qu'il y a un effet de limite à être non scientifique en bibliothèque de sciences. C'est vrai, il faut pas le nier. Il y a des limites. On peut pas. On vous pose une question, vous comprenez pas dans quel domaine la personne pose la question. Moi, j'ai envoyé quelqu'un en STAPS alors qu'elle voulait des choses en chimie industrielle pour le ski, parce que moi, j'ai entendu le mot ski. Donc pour moi, voilà. Donc c'est évident, surtout au début, c'est très difficile. Par contre, moi, j'ai trouvé franchement ça très intéressant, et surtout une chose, je trouvais que les enseignants-chercheurs en sciences sont beaucoup plus disponibles qu'en lettres et sciences humaines, et beaucoup plus à l'écoute, même si parfois on parle pas vraiment le même langage, mais moi, je conseille aux gens d'aller aussi en bibliothèque de sciences. Voilà, je sais pas pour vous. Moi, il faut croire que mes préjugés sont tenaces, en fait, mais... Non, effectivement, ça jouera un rôle. Je pourrais pas nier que, effectivement, j'aurais adressé ça de manière attentive, et qu'effectivement, s'il y a un poste en sciences sociales qui se présente, il passera avant un poste en sciences. Maintenant, ça vient pas non plus d'un préjugé, finalement, en fait, d'un préjugé négatif sur ce que j'ai vu dans ma bibliothèque, ni le fonctionnement, en fait. Ça vient tout simplement, c'est une question d'intérêt personnel. Tout simplement, quoi. J'ai suivi mon cursus en sciences sociales, effectivement. Ça me paraissait naturel d'aller en sciences sociales. Mais maintenant, il n'y a pas effectivement un préjugé négatif. Le travail, effectivement, comme tu le disais, est assez intéressant avec les enseignants qui sont beaucoup plus décontractés, qui te prennent moins de haut, etc. Donc il y a tout cet aspect-là qui est intéressant. Et finalement, le travail n'est pas si différent que ça. Mis à part, effectivement, que parfois on ne comprend pas les requêtes en banque de prêt. Voilà, il faut vraiment faire un effort et être vraiment à l'écoute. En fait. Voilà, c'est... La médiathèque de la Cité des Sciences dépend de deux ministères, le ministère de l'Industrie et le ministère de la Culture, si je me souviens bien. Et donc, ils ont un statut un peu particulier d'EPIC, établissement public intérêt commercial. Et d'après ce que j'ai lu, le personnel est sous contrat privé. Donc, ce n'est pas du personnel d'État. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité au début dans les postes où on pouvait aller. Donc, ce n'est pas Ville de Paris, mais ils ont des contrats donc de droit privé. Donc, On peut y aller par détachement, comme à la médiathèque du Quai Branly maintenant. Pour les collections, tu veux savoir Alors, le niveau, c'est un bon niveau de vulgarisation. C'est pas un niveau L, c'est un peu en dessous d'un niveau L, mais c'est quand même surtout du français, bon niveau, et surtout ils touchent à tout. Enfin, ils sont vraiment encyclopédiques dans le niveau des sciences. Pas mal de documents sur la technique et les technologies. Voilà, mais ça reste quand même très grand public. C'est pas niveau des BU. Oui, donc je réponds. Moi, j'irai en bibliothèque scientifique. Le choix de mon poste, c'était pas un pis-aller. Moi, c'était vraiment un choix quand j'ai décidé d'aller en acquéreur d'agronomie. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Après, les publics sont bon, un peu les mêmes partout. Moi, j'ai trouvé la barrière de la discipline, disons. C'est peut-être parce que j'étais dans une discipline qui est quand même assez accessible. J'étais pas non plus acquéreur en physique nucléaire, donc c'était pas insurmontable. Oui, moi je trouve que c'est vraiment plaisant et je pense qu'avec un petit niveau, moi j'ai qu'un bac scientifique et qui remonte à il y a très longtemps, mais je pense que c'est insurmontable pour personne de travailler en bibliothèque scientifique et de faire du service public en sciences. Et comme Sarah, moi, mon stage, je voulais le faire en BU Sciences, donc je partais avec un a priori favorable, et j'ai toujours un a priori favorable, en fait.